courir sur le quai de la gare. Les trains sont noirs à Saint-Lazare. Dormir debout jusqu'à moins deux, en rêvant qu'on prend le train bleu. Il pleut dans ma rue de banlieue. Sortie de l'étude à l'école, dans ma solitude, on est deux. Qu'est-ce que tu dis? Le pont d'Arcole. Veux-tu laisser passer la dame, prendre les fruits et puis du pain? Ce soir, tu dors chez ton copain. François va peut-être passer. Donne-moi la main pour traverser. Mais si je t'ai parlé de lui, il ne fait pas de bruit dans notre vie. Les jours se suivent, on se ressemble. Mon amour, on est très bien tout seul ensemble. J'ai visité la tour dorée, tu sais, près du nouveau lycée. Si on fait des économies, on ira dans un an et demi. Où sont mes clés? J'ai une lettre. Il fait froid, ferme la fenêtre. Qui peut m'écrire à cette adresse? Comme au beau temps de la tendresse. C'est pas une lettre, c'est une réclame. 8 jours au bord de mer en France. Tiens, si on prenait des vacances, on pourrait prendre le train bleu comme des voyageurs heureux. Et on s'endormirait le soir en se racontant des histoires. Salut au salaud qui t'a fait mon amour. Viens tout seul ensemble. Les jours se suivent, on se ressemble. On pourrait prendre le train bleu comme des voyageurs heureux. Il pleut dans ma rue de banlieue. Dans ma solitude, on est deux. Salut au salaud qui t'a fait.